إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué les différents événements qui eurent lieu entre Shu'aib d'une part et les croyants qui étaient avec lui, et d'autre part son peuple qui pour la majorité était mécréant et commettait toutes sortes de turpitudes et d'exactions contraires aux bonnes mœurs et aux bonnes valeurs, contraires à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque la conséquence de leurs actes, un châtiment qui descendra sur eux en un jour terrible. Ils traitèrent de menteurs leur prophète. Ils le dénigrèrent. Ils l'ont rabaissé. Ils l'ont humilié. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont menacé. Allah dit tabaraka wa ta'ala, فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. La sourate numéro 26, les versets 186 à 191. Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Voilà bien là un prodige et un signe d'Allah. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas, et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shu'aib de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu ni existé. Ceux qui traitèrent Shu'aib de menteur furent eux les perdants. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Allah le Très-Haut mentionne dans la sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7, qu'ils ont été surpris par un violent tremblement de terre, séparant leur âme de leur corps, et transformant les animaux vivants sur leur terre en objets inanimés. Ils gisèrent comme des cadavres sans âme, sans mouvement. Allah leur envoya un tremblement de terre qui fit cesser tout mouvement, un cri terrible qui fit taire les voix et un nuage de feu dont les étincelles s'abattirent sur tous les côtés et de toutes parts. Et Allah a mentionné chacun de ces châtiments dans une sourate en fonction du contexte. Dans la sourate Al-A'raf, les mécréants ont voulu faire taire Shu'aib et ses compagnons et les ont menacés de les bannir s'ils ne revenaient pas à leur croyance. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Sourate numéro 7, verset 91. Alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Il a donc opposé leur tentative de secouer les esprits des croyants à un vrai tremblement. Cela correspond parfaitement au contexte et répond à ce qui le précède. Dans la sourate Hud, Allah rappelle qu'ils furent saisis par un cri et qu'ils gisèrent sans vie dans leur demeure, car ils ont dit à leur prophète sur le ton de la raillerie, de la moquerie et du mépris, « قَالُوا يَا شُعَيْبُ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Sourate 11, verset 87, ils dirent, « Oh, Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? N'est-ce pas toi l'indulgent, le droit ?» Il convenait donc qu'ils mentionnent le cri qui correspond ici à un blâme de leurs propos abjects qu'ils adressèrent à leurs messagers nobles, dignes de confiance et éloquents. Le cri est donc venu les faire taire, et il fut accompagné du tremblement de terre qui les immobilisa. Et enfin, dans la sourate Shu'ara, sourate numéro 26, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne que le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Et ceci en réponse à ce qu'ils avaient demandé et désiré. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Ils dirent, tu es certes du nombre des ensorcelés. Tu n'es qu'un homme comme nous et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. Sur ce, il répondit, قال ربي أعلم بما تعملون. Il dit, mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Allah tabaraka wa ta'ala, l'audient et l'omniscient dit alors, فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Sourate 26, les versets 186 à 191. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, a dit un peu plus loin concernant les versets coraniques cités précédemment. Mais ils le traitèrent de menteur, alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Les exégètes ont rapporté qu'une chaleur accablante s'abattit sur eux, et Allah fit cesser les vents durant 7 jours consécutifs. Ni l'eau, ni l'ombre, ni même leur refuge dans les galeries souterraines ne leur furent d'une utilité quelconque. Ils fuirent donc vers la plaine où un immense nuage recouvrait le ciel. Ils se regroupèrent sous ce nuage dans l'espoir de s'abriter sous son ombre. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Allah Jalla Jalalu déversa sur eux des étincelles de feu. La terre trembla sous leurs pieds et un cri vint du ciel et les foudroya tous pour ne laisser que des cadavres sans vie. Allah sauva donc Shu'aib alayhi salatu wassalam ainsi que les croyants. Et en effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ceci en disant « وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ » Sourate numéro 11 des versets 94 et 95. « Lorsque vint notre ordre, notre châtiment, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes et ils visèrent dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Que les Madianes s'éloignent comme les Thamoud se sont éloignés. » Après que le châtiment fut descendu et que ce peuple fut exterminé, le prophète Shu'aib alayhi salat wa salam s'adressa à eux en les critiquant et leur disant, فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Sourate 7, verset 93. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerai-je sur des gens mécréants? C'est-à-dire, j'ai accompli mon devoir en vous transmettant le message de mon Seigneur intégralement et en vous exhortant de la meilleure des façons. J'ai essayé de vous guetter autant que je le pouvais, mais tout cela ne vous a servi à rien. Car Allah ne guide pas ceux qui choisissent l'égarement. Et vous n'avez aujourd'hui aucun secours. Je ne m'attriste pas sur votre sort, car vous n'acceptiez pas les conseils et ne craignez pas le jour de l'humiliation. C'est pour cela qu'il dit, comment donc m'attristerai-je sur des gens mécréants? Voici le châtiment de ceux qui n'acceptent pas la vérité, n'y reviennent pas, n'y prêtent aucune attention. Le châtiment d'Allah qui ne peut être ni repoussé ni empêché s'abattit alors sur eux, et aucun de ceux qui furent visés ne put y échapper. Fin de citation de l'imam Ibn Kathir. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احشرنا مع الأنبياء مع الشهداء مع الصالحين مع الصديقين بفضلك ورحمتك إنك الولي بذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.